Deutéronome chapitre 30, Or il arrivera que lorsque toutes ces choses seront venues sur toi, soit la bénédiction, soit la malédiction, que je t'ai représentées, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations vers lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu te seras retourné jusqu'à l'Éternel ton Dieu, et que tu auras écouté, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu ramènera aussi tes captifs, et aura compassion de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples, parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et te prendra de là. L'Éternel ton Dieu, dis-je, te ramènera au pays que tes pères auront possédé, et tu le posséderas, il te fera du bien, et te fera croître plus qu'il n'a fait croître tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, et le cœur de ta postérité, afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu mettra, toutes ces exécrations-là du serment que vous avez fait, sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, lesquels t'auront persécuté. Ainsi tu retourneras, et tu obéiras à la voix de l'Éternel, et tu feras tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et l'Éternel ton Dieu te fera abonder en bien, provenant de tout le travail de ta main, du fruit de ton ventre, du fruit de tes bêtes, et du fruit de ta terre, car l'Éternel ton Dieu retournera à se réjouir sur toi en bien, ainsi qu'il s'est réjoui sur tes pères. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, gardant ses commandements, et ses ordonnances écrites dans ce livre de la loi, quand tu te retourneras à l'Éternel, ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas trop haut pour toi, et il n'en est point éloigné. Il n'est pas aux cieux, pour dire, qui est-ce qui montera pour nous aux cieux, et nous l'apportera, afin de nous le faire entendre, et que nous le fassions? Il n'est point aussi au-delà de la mer pour dire, qui est-ce qui passera au-delà de la mer pour nous, et nous l'apportera, afin de nous le faire entendre, et que nous le fassions? Car cette parole est fort près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi tant la vie et le bien, que la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses ordonnances, et ses droits, afin que tu vives, et que tu sois multiplié, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays dans lequel tu vas pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne, et que tu n'obéisses point à ses commandements, et que tu t'abandonnes à te prosterner devant d'autres dieux, et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne prolongerez point vos jours sur la terre, pour laquelle vous passez le Jourdain, afin d'y entrer et de la posséder. Je prends aujourd'hui à témoin, les cieux et la terre contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie, et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob, de leur donner.